L'Association générale des Coréens en Chine a adressé le 30 juin une lettre de félicitations au maréchal Kim Jong-un. La lettre indique « La promotion à la magistrature suprême de la République populaire démocratique de Corée du respecté maréchal Kim Jong-un, symbole de la puissance de la Corée du Sun-gun et de l'invincibilité, est l'expression de la foi immuable et de la volonté invariable des militaires et civils de tout le pays, décidés à anticiper la victoire finale de la cause révolutionnaire du Tse, cause socialiste, sous la direction du maréchal, et un événement historique national permettant de faire briller dans le monde la Corée socialiste, patrimoine précieux des grands généralissimes comme la Corée éternelle Kim Il-sung et Kim Jong-il. Le respecté maréchal défend fermement la dignité et la souveraineté du pays et de la nation par la politique de Sun-gun, étendard de l'invincibilité, et anticipe la réunification du pays et l'avenir radieux de la nation par ses idées éminentes, sa direction chevronnée et éprouvée, et sa vertu infiniment noble. Le respecté maréchal est vraiment le guide de la réunification de la patrie, le destin de notre nation et le patriote sans égal. Finalement, elle souhaite santé au respecté maréchal Kim Jong-un. »